Puis encore là, je sais qu'il y a des musulmans qui vont être fâchés puis qui vont dire hey, moi j'applique pas ça de même, puis j'ai souhaité joyeux Noël à tout le monde, puis mais c'est qu'à la base en haut là, tu sais, les grands prêtres, les imams, c'est pas une religion d'ouverture. Tu sais, le catholicisme que j'appuie pas plus là, puis tu sais, la religion, le Rome là, rempli de doreux puis d'or partout, puis qui prône la pauvreté puis la chasteté, je trouve pas ça plus intelligent, mais ça reste que c'est une religion où on dit aimez-vous là. Aimez-vous le pardon, la tolérance, puis demande pas l'anéantissement des musulmans là. T'sais, lui, il dit que souhaiter joyeux Noël à quelqu'un. Hey, ça, là, on part de loin. Souhaiter joyeux Noël à quelqu'un, c'est worse than fornication and killing someone. Non, c'est le pire péché. C'est renversant. C'est dire bravo pour ta fausse croyance, bravo pour ton faux Dieu, puis pour ton incompréhension de la vie. Non, mais pour eux, un musulman ne peut pas se convertir. Si tu vas prendre, par exemple, un catholique peut se convertir à l'islam, puis pas revenir au catholicisme après, ou à la chrétienté, ou au protestantisme, whatever. Il se fera pas crucifier, là. Mais un musulman qui devient catholique, c'est l'apostasie. Il mérite d'être tué, là. C'est ça l'histoire. Ben, moi, j'en connais pas beaucoup non plus de cas où les musulmans dans le monde sont crucifiés, brûlés vifs, comme les chrétiens. Il y a comme, et ça, faut le dire, dans le monde actuellement, il y a des cas réels de persécution de chrétiens par des radicaux islamistes, là. Des cas documentés, là. On n'en parle pas beaucoup, là. Mais c'est la réalité, là. Parce que ces gens-là sont vus comme une menace, ce sont des apostats. On est les méchants, on croit en Jésus, pour les gens qui croient, bien entendu. Donc, comme tu dis, eux autres sont en haut, puis c'est l'intolérance. Le reste, c'est des infidèles, des impurs. De la petite rapace, là, de la petite racaille, des gens qui ont pas compris, donc qui méritent rien. Un des directeurs d'école, à un moment donné, peut-être en 2016-2017, va être un musulman radical. Lui, il va dire, non, il n'y a pas de Noël à l'école. C'est ça. Tu sais, quand on dit qu'une société peut être minée par l'islam radical, c'est de cette manière-là. L'intégration et la déstabilisation, mais de l'intérieur. Là, on commence à le voir lentement, là. Avec la garderie, avec les mosquées, c'est d'être miné de l'intérieur, en profitant de nos libertés, la liberté de culte, la liberté d'association, la liberté de discours, la liberté de parole, la liberté de presse, la liberté de communiquer, toutes les libertés qu'on n'a pas en Arabie Saoudite. Exact. Eux profitent de ça. Et encore pire pour la femme. Pour nous miner et nous renverser de l'intérieur. Autre extrait. Mais juste avant, encore là, suite à ce que tu viens de dire, là, quelle mauvaise cible, la charte encore là, ça me fait réfléchir. Là. C'est même pas un tire-poids. Ceux qui sont déjà rentrés ici, que le voilà, là, vous ça autres, donne ça rien, suffit. Donne mais c'est enfantin, ouais, à la limite. Okay, dernier extrait, c'est encore sur Noël, qui est d'un imam différent. Donc, deux points de vue, même pas mal même idée, là, je te dirais. Because you're greeting them and you are congratulating them on a sin, on blasphemy, on making Jesus the Son of God. And this is blasphemy in Islam. If someone says that Jesus is God or he's the Son of God, he's not a Muslim. He's not a believer. He's doomed in hell. Condamné à l'enfer. C'est ça. Eux autres. Ceux qui fêtent Noël, là, on direct brûlé dans les flammes de l'enfer. Ouais, parce que j'ai eu du temps avec mes enfants, là. Mmh. Puis on a mangé, puis on a fait un sapin en enfer direct. C'est quel blasphème. Je ne prie pas le bon Dieu, donc je vais mourir dans des douleurs éternelles en enfer. Je sais pas s'il y a de l'autre bord, mais j'en doute, là. Ben là. Non, pour eux autres, on est des étrangers. Pour eux autres, ils s'appellent les frères et les sœurs, mais juste entre eux autres, entre musulmans. Nous autres, on est à l'extérieur de ça. Il n'y a pas d'humanité dans le concept musulman. C'est musulman ou rien. Mais c'est ça. Si vous n'êtes pas catholique, vous pouvez toujours aller visiter Saint-Pierre de Rome, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous n'êtes pas musulman, essayez d'aller visiter un mec. C'est impossible. Ça va être encadré. Il y a une sortie, ça j'avais vu la photo, il y a quelqu'un qui l'avait déjà envoyé. La dernière sortie avant d'arriver à la Mecque, c'est non-muslim. Vous virez là, là. Sinon, si vous allez là, ben vous allez vous faire renverser, ça sera pas très compliqué, là. Ben, c'est à tes risques et périls. Exact. Si vous voyez un musulman, souhaitez-lui joyeux Noël de manière légère, de manière tout à fait fraternelle. Ouais. un beau joyeux Noël, amical et tout, là. Juste voir la, juste hâte de voir. Mais je sais que je suis convaincu d'homme qu'il y en a plein des musulmans qui écoutent ça matin et qui disent, voyons donc. J'ai souhaité joyeux Noël à tout le monde à la job, là. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a plein, mais ça reste la ligne de parti, là. C'est la ligne de parti. C'est une belle expression. Un peu de ça. Pour les gens qui suivent ça de manière rigoriste et de manière radicale, de manière littérale, tu souhaites pas joyeux Noël. C'est un musulman. C'est spécial. C'est spécial. Live à trazowix.com. 1-877-440-2464. On revient.